Écoute. Navire de gros tonnage. Vous allez écouter maintenant avec attention quelques phrases sur les différents types de trains, de bateaux et d'avions. Je n'aime pas prendre des trains trop rapides et qui ne s'arrêtent jamais nulle part. Le TGV, par exemple, c'est bon pour les hommes d'affaires. J'aime bien, moi, regarder le paysage, avoir le temps de voir les gens qui montent et descendent du train. Ne me dis pas que tu ferais Paris-Marseille sur un omnibus. Vous allez à Paris? Alors vous pouvez choisir entre plusieurs trains. Ce matin, deux express et un direct partent pour la gare de Lyon. Et celui-là, celui que je vois sur le quai? Mais c'est un train de marchandises, madame. C'est un paquebot, ce bateau-là? C'est un cargo. Voyons, un bateau de la marine marchande. Et au fond, là-bas, ce sont des pétroliers. Des pétroliers ou des tankers, c'est la même chose. Il n'y a pas de croiseur, pas de cuirassé? Non, je ne vois pas de navire de guerre dans ce port. Et quelle différence y a-t-il entre les croiseurs et les cuirassés? Les premiers sont plus petits et très rapides. Les cuirassés sont des navires de gros tonnage et fortement blindés. Mais dans ce port, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis pilote. Alors vous pilotez des avions postaux? Non, je suis pilote de ligne et je pilote des avions de ligne. Les avions postaux, les avions cargo et les avions citernes sont des avions commerciaux. Vous ne pilotez alors ni chasseur ni bombardier? Et non, je n'appartiens pas à l'aviation militaire, mais à l'aviation civile. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux rafio? C'est un vieux bateau en mauvais état. Et un vieux coucou? C'est un vieil avion, tu sais, comme ceux qui volaient durant la Première Guerre mondiale. Conversation. Sur le pont, il fait froid. Tu sais, fiston, il y a un proverbe qui dit que les voyages forment la jeunesse. Moi, à ton âge, je suis parti avec trois amis et nous sommes allés en Grèce. C'était une expérience merveilleuse. Nous dormions à la Belle Étoile ou dans de petites pensions. Nous sommes partis un mois environ. Et je peux t'assurer que, quand nous sommes rentrés, nous nous sentions plus mûrs, plus responsables et heureux. Tu devrais y penser, toi aussi. Faire un voyage en Grèce ou ailleurs avec un ou deux amis. Ça coûte trop cher, grand-père, et je n'ai pas d'argent. Ça coûte trop cher si tu as l'intention de prendre l'avion et de dormir tous les soirs dans un hôtel 3 étoiles. Le bateau aussi coûte cher, trop cher pour moi. Sois malin et arrange-toi pour dormir sur le pont. Mais sur le pont, il fait froid. Allons, n'exagère pas. Et puis, il faut bien manger tous les jours. Là non plus. Tu n'es pas obligé de faire un festin à chaque fois. Mais c'est que j'ai toujours faim, moi. Tu verras du pays, tu connaîtras des gens, tu te feras de nouveaux amis. Tu n'aimerais pas? Pas tellement. Comment, pas tellement? Je suis bien, moi, à la maison. J'ai tout ce qu'il me faut, un toit, de quoi manger, des amis. Et si je veux voir du pays, comme tu dis, je peux toujours m'acheter une cassette vidéo et voir Athènes ou Bali ou Tokyo sans bouger de mon fauteuil. Et pour un prix dérisoire, en plus. À quoi bon faire ces valises quand on a tout ça? À savoir, apprécier tout ça, justement. J'apprécie déjà. Et à comprendre le sens de la vie, le sens des choses. Moi, grand-père, vraiment, je ne te comprends pas. À ton époque, d'accord, il y avait la guerre, les restrictions. Mais tu ne peux pas me contraindre, moi, à dépenser toutes mes économies pour un voyage qui ne m'apporterait rien du tout. Sinon, mal aux pieds, mal à la tête et peut-être aussi à l'estomac. J'ai l'impression de parler à un paralytique. Allez, on ne va pas se fâcher pour si peu. Une plage ou bronzée. Madame, j'aimerais que vous m'aidiez à choisir une destination pour mes vacances cet été. Avec plaisir. Vous préférez la mer ou la montagne? La mer, évidemment. L'été pour moi, c'est la plage, les coups de soleil, l'odeur des laits solaires, les parasols. Bien. La France ou l'étranger? L'étranger. Oui. L'Italie, ça vous va? L'Italie, oui. Rome, les spaghettis, La pizza, au sole mio. L'hôtel, une location? Aucune importance. Et vous voulez partir en train ou en avion? En wagon-lit. Je trouve que c'est plus romantique. En wagon-lit, bien. Les voyages organisés vous intéressent? Bien sûr. Je n'ai pas du tout envie de me casser la tête pour des problèmes de réservation de chambre ou de restaurant. Pas quand je suis en vacances. Voilà un programme qui vous intéressera alors. Vous voyez, vous avez la liste des excursions que vous pouvez faire, les sites touristiques les plus importants que vous pouvez visiter. Mais je suis obligé de les faire toutes, ces excursions. Toutes non, mais c'est tout à votre avantage d'en faire le plus possible. Pourquoi ça? Parce que c'est compris dans le prix que vous paierez, monsieur. Sur les 10 jours de vacances que propose votre dépliant, madame, il y en a 7 consacrés à des visites de musées ou de monuments. Oui, vous en avez pour votre argent, monsieur. Mais en vacances, je veux me reposer, moi. Je vous l'ai dit il y a 5 minutes, je veux une plage. Une plage où m'allonger, bronzer, me baigner et ne rien faire d'autre. Alors, les voyages organisés ne sont pas pour vous. C'est clair. Et nous, nous sommes justement une agence de ce type de voyage. Alors, que puis-je faire? Acheter un billet d'avion, de bateau ou de train, pour où vous voulez, et me laisser travailler tranquillement. Oh, faut pas s'énerver comme ça, madame. Monsieur, je vous salue. C'est vous qui avez besoin de vacances, madame. Au revoir. Exercice. Dictée. À 4h30 du matin, virgule, les voyageurs se réunirent dans la cour de l'hôtel de Normandie, virgule, où l'on devait monter en voiture, point, à la ligne. Ils étaient encore pleins de sommeil, virgule, et grelottaient de froid sous leur couverture, point. On se voyait mal dans l'obscurité, point virgule. Et l'entassement des lourds vêtements d'hiver faisait ressembler tous ces corps à des curés obèses avec leur longue soutane. Point final. Exercice. Il leur manque bien des choses. Bien des choses leur manquent. Il ne s'est rien passé. Rien ne s'est passé. Il nous est arrivé un accident. Un accident nous est arrivé. Il arrivera du secours. Du secours arrivera. Il m'est venu une bonne idée. Une bonne idée m'est venue. Il tombait de la pluie. De la pluie tombait. Il passe beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens passent ici. Unité 78. Prise de parole. De bonne fabrique. Vous allez écouter et répéter quelques phrases concernant l'industrie. L'activité industrielle, c'est vraiment le moteur de notre type de société. Comment un pays pourrait-il survivre sans être capable d'exploiter ses propres sources d'énergie ou sans pouvoir transformer les matières premières en produits prêts à la consommation? Ce serait impossible. Ce serait un désastre. Depuis quand travailles-tu chez Peugeot? Ça fait une vingtaine d'années. J'ai dû fabriquer et assembler les pièces de plusieurs milliers de voitures. On va bientôt construire une usine textile à deux pas de chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait dans une usine textile? Des travaux de tissage et de filature, par exemple. Tu travailles dans une usine de produits alimentaires? Oui, nous mettons en conserve certains aliments, des légumes surtout. De nos jours, il n'y a plus tellement de manufactures, et c'est dommage. Comment il n'y a plus de manufactures? Que fais-tu des manufactures d'armes? Tu parles. Des manufactures de tapisserie des Gobelins? Ou des manufactures de porcelaine de Sèvres? Tu es encore au chômage? Oui, mais on est en train de construire une fabrique de boutons près de chez moi. Il y aura peut-être du travail. Cette couverture est de bonne fabrique. Où l'as-tu achetée? C'est vraiment une pièce de ta fabrique? Je ne savais pas que tu écrivais des comédies. Prise de parole. Gros et petit bétail. Voici maintenant quelques phrases sur l'agriculture. Tu te souviens de cette phrase « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France » ? Bien sûr, c'est une phrase de Sully qui est presque devenue un proverbe. Et je crois qu'il avait raison de vouloir redonner à l'agriculture ses lettres de noblesse. Que deviendrait-on sans lait, sans blé et sans maïs ? Ne me parle plus de Nicolas. Il n'a jamais su se comporter convenablement en société. Ce n'est qu'un rustre, un paysan. J'aimerais bien avoir une exploitation agricole. Cultiver la terre, élever le bétail, vivre en contact direct avec la nature. J'en ai assez de mon boulot à la banque. J'ai besoin de respirer. De respirer et de vivre au grand air, finalement. Vous élevez quel type de bétail? Un peu de tout. Gros et petit bétail. J'ai des bovins, des chevaux, des ovins et des porcins. Regarde, je viens d'acheter un nouveau tracteur et deux motoculteurs. Ils sont vraiment très modernes. C'est la couleur qui ne me plaît pas. Pourquoi les as-tu choisis violets? Comme ça, et puis parce que je trouve que ça ira bien avec la couleur verte des prés et marron des champs. Mais tu es un agriculteur, pas un peintre. Tu n'es vraiment pas sérieux. Tous vos champs sont cultivables? Oui. Cette semaine, je dois d'ailleurs en défricher certains et en fertiliser d'autres avant les semailles. La récolte a été bonne? Oui, il n'y a pas eu trop d'intempéries cette année. Les blés et les maïs étaient magnifiques. Et puis, avec ma nouvelle moissonneuse-batteuse, la moisson, c'est un jeu d'enfant. Prise de parole. Un travail de manœuvre. Vous allez écouter avec attention et répéter les phrases suivantes sur les différentes spécialités ouvrières et agricoles. Il y a beaucoup de monde dans cet atelier. C'est parce qu'on vient d'embaucher des jeunes gens. Ils sont ici en apprentissage à la chaîne de montage. Et vous fabriquez quoi exactement? Nous sommes des ouvriers métallurgistes. Nous travaillons les métaux. Il y a combien de contremaîtres? 5. Ils sont faciles à reconnaître. Regardez, ils portent tous une blouse blanche. Qu'est-ce que c'est un manœuvre? C'est un ouvrier qui n'a aucune qualification particulière, aucune connaissance professionnelle spéciale. Pourquoi tu refusais le travail qu'on te proposait? parce que c'était un travail qui ne nécessitait aucune initiative, aucun talent particulier, un travail de manœuvre en somme. Vous êtes un ouvrier spécialisé ? Oui, je réalise des pièces mécaniques. Je suis ce qu'on appelle un ajusteur. Et mon collègue, là, autour, c'est un des tourneurs de l'usine. Vous êtes aviculteur, d'accord. Mais qu'est-ce que vous élevez exactement ? Quelques volailles. Vous voyez les poulaillers là-bas ? J'ai aussi quelques volières avec des cailles, des faisans et des perdrix. C'est à vous, toutes ces ruches ? Oui, je suis apiculteur. Je dois récolter le miel de mes abeilles. Vous voulez m'accompagner ? C'est une belle région. Les arbres que vous voyez là-bas appartiennent à mon ami arboriculteur. Ils sont beaux, n'est-ce pas ? Du loin, vous avez les vignes, mes vignes. Je suis viticulteur. Et là, à votre droite, ce sont les serres de mon voisin maraîcher, qui produit les meilleurs légumes et les meilleures primeurs du canton. Prise de parole. Marché noir. Vous allez répéter quelques phrases sur certaines activités commerciales. Moi, j'achète directement au producteur. C'est moins cher et aussi souvent de bien meilleure qualité. Tu as raison, mais moi, il faudrait que je fasse une cinquantaine de kilomètres avant de trouver la première coopérative agricole. Ce que je gagnerais en achetant, comme tu dis, directement chez le producteur, je le perdrais en essence. Ça ne vaut pas la peine. C'est une usine qui vend ses produits directement au public. C'est intéressant parce qu'elle pratique des prix de fabrique. Et qu'est-ce qu'on y fabrique ? Des articles de sport, chaussures, vêtements, maillots de bain. Demain, c'est l'inauguration du salon de l'automobile. On pourrait y emmener les enfants. Tu sais bien qu'ils adorent voir les derniers modèles de voitures de sport. D'accord. À condition que nous allions aussi faire un tour à la foire du prêt-à-porter. J'adore me promener dans les foires agricoles. Je ne savais pas que les tracteurs te passionnaient. Les tracteurs, non, mais il y a toujours un stand où l'on peut déguster de bons petits vins. Vous voulez des cigarettes ? Un briquet ? Mais ce sont des cigarettes de contrebande. Oui, et elles sont bien moins chères qu'au bureau de tabac. Vous voulez un billet de théâtre pour le grand spectacle qui aura lieu ce soir à l'opéra ? Vous les vendez au marché noir ? Oui, de toute façon, vous n'en trouverez pas d'autres ailleurs. Vous les vendez combien ? 1000 francs. Mais hier, vous les vendiez moins cher. Et dans une heure, je les vendrai encore plus cher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Écoute. Je me contente. Vous allez écouter avec attention quelques expressions imagées. Je viens d'inaugurer un autre magasin d'articles de sport à Paris. Mais c'est le troisième. Les affaires vont bien, à ce que je vois. Pas mal. Et pour toi, comment ça marche ? Ça va. Je me contente de ma petite boutique de fleurs. Et puis, tu sais bien que je ne suis pas une machine à fabriquer de l'argent, moi. J'ai une toute autre conception de la vie. C'est une machine à penser, ce type. Mais j'ai l'impression qu'à force de philosopher sur tout, il n'a plus tellement les pieds sur terre. Qu'est-ce que c'est, ce machin ? Comment, ce machin ? Oui, cette chose. Là, sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne se voit pas. C'est une sculpture. Une sculpture ? D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle représente ? La création du monde. Quoi ? La création du monde. C'est écrit sur le socle. Oui. Pour moi, ça reste un machin horrible et tu vas me faire le plaisir de t'en débarrasser tout de suite. Hier, à la sortie du métro, j'ai rencontré... Ah, comment s'appelle-t-il ? Tu sais bien, machin. Tu n'as pas arrêté de nous casser les pieds avec cette fameuse augmentation que tu voulais demander à ton patron. Non seulement il t'a accordé le rendez-vous que tu voulais, mais en plus il a été très aimable avec toi et tu as fait machine arrière. Tu ne lui as rien demandé. Je ne te reconnais plus. Conversation. Avec des abeilles? Madame, monsieur, approchez, regardez de votre part. On m'a dit que tu avais changé de travail, c'est vrai? J'ai changé de travail, de maison, de vie, oui. Que fais-tu alors? J'ai acheté une petite ferme dans les environs de Lyon. Le retour à la terre? Un peu ça. J'en avais vraiment assez de la ville et de l'usine. Tu es devenu agriculteur? Oui. Et tu as des champs, des prés, des tracteurs? C'est indispensable. Ah, j'aimerais bien te voir conduire un tracteur. Tu peux venir quand tu veux. Ça me ferait très plaisir. Et tu as aussi des bêtes, je suppose? Des volailles, oui. Quelques oies, deux jarres et des canards. Mais j'ai surtout beaucoup de ruches. Des ruches? Avec des abeilles? Évidemment. Ce ne sont pas les canards qui vont dormir dans les ruches. Elles t'ont déjà piqué, les abeilles? Au début, oui. Mais c'était de ma faute. Maintenant, je sais comment m'y prendre et elles ne m'agressent plus. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Ça n'a pas été facile. Surtout les premiers mois, elle parlait tout le temps de ses amis qu'elle avait quittés, de son travail à la banque, des sorties au cinéma et au théâtre. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une agricultrice exceptionnelle. Et en plus, elle a changé de caractère. Elle est plus sereine, plus souriante, plus heureuse. Il n'y a pas de doute. Tu ne regrettes pas ton choix, alors? Le regretter? Mais si j'avais su, j'aurais acheté cette ferme il y a 20 ans. Un travail épuisant. Tu travailles dans une usine de... Une usine qui fabrique des pièces pour les voitures. Et qu'est-ce que tu y fais exactement? Je suis ajusteur. Ajusteur? Oui, je fabrique des pièces mécaniques. Tu n'étais pas tourneur? Oh, il y a bien longtemps que j'ai laissé le tour. Je n'en pouvais plus, c'était trop répétitif, un peu comme un travail à la chaîne. On m'a dit que ton fils aussi était entré dans la même usine. Oui, il est en apprentissage. Ce qui est amusant, c'est que j'ai tout fait pour l'en dissuader. Je voulais qu'il fasse des études, qu'il ait une vie plus intéressante, plus facile. Mais il n'a rien voulu entendre. Enfin, on verra. Avec le temps, il se rendra bien compte que c'est un travail épuisant. Il est aussi têtu que toi, ce que je vois. Tel père, tel fils. Contrebande. Comment est-ce que tu gagnes ton pain, toi? Je vis au jour le jour. En ce moment, par exemple, je vends des articles de contrebande. Des articles de contrebande? Oui, un peu de tout, ça dépend. Mais c'est contre la loi. Je suis au chômage depuis plus de 3 ans. Et mourir de faim, c'est contre la vie. Oh, ne souris pas, c'est la pure vérité, ce que je te dis. Je n'arrive pas à manger tous les jours, ni moi, ni ma femme. Ma femme aussi était sans travail. Et que fait-elle maintenant? Du marché noir. Du quoi? Du marché noir. Elle achète des billets pour les grands spectacles et les grands matchs. Et ensuite, elle les revend plus cher, beaucoup plus cher. Tu vois, j'arrange comme on peut. À la guerre comme à la guerre. Quel couple! Ça te choque? Je ne sais pas. Bonne chance quand même. Test. Viens me voir. Semaine. Plutôt que le dimanche. Viens me voir en semaine plutôt que le dimanche. Un mois, j'irai à Paris. Dans un mois, j'irai à Paris. Le temps est plus doux. Printemps. Le temps est plus doux au printemps. Il a attendu près d'une heure, mais personne n'est venu. Il a attendu pendant près d'une heure, mais personne n'est venu. Je m'embarquerai les premiers jours de septembre. Je m'embarquerai dans les premiers jours de septembre. Des heures, elle a regardé la télé sans bouger. Des heures durant, elle a regardé la télé sans bouger. Je voudrais aller Maroc, Tunisie, Madagascar et La Réunion. Je voudrais aller au Maroc, en Tunisie, à Madagascar et à La Réunion. Ils sont originaires Alpes-Maritimes. Ils sont originaires des Alpes-Maritimes. Nous allons au cinéma une fois semaine. Nous allons au cinéma une fois par semaine. Je me demande qui il m'a prise. Je me demande pour qui il m'a prise. Le fichier est classé ordre alphabétique. Le fichier est classé par ordre alphabétique. Je me demande où nous serons un an. Je me demande où nous serons dans un an. Il arrive toujours que. C'est une nullité. Il arrive toujours en que. C'est une nullité. Venez par ici. Ils sont déjà le départ. Venez par ici. Ils sont déjà sur le départ. Couvrez-vous. Il fait froid. Ne restez pas chapeau. Couvrez-vous. Il fait froid. Ne restez pas sans chapeau.